Bastia, j'ai les danse danse qui du voir du Masania. J'ai les j'ai mon ami les Bastia. Oui, mais tout se lance lui et les vrais plaisirs sont de lui. Donc pour mes dignes compagnies, jamais dans les mon amour. Mon amour, il est de diable. Je l'ai mis à la partie. Ma pauvre cœur, déconsolable. Ma cœur est libre comme l'hiver. J'ai dégagé la douzaine, mais il ne s'en va à mon gré. Voici le vanille. Je te pousserai aussi fort que je le pourrai. Laisse-toi reverser.